matin, nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer avec un très grand retard. Dieu connaît toutes choses. Nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire. Le frère Kizabi vous a tous salué au nom de Jésus-Christ. Je pense, en voyant le temps, l'ancien a oublié. Nous avons le problème de notre sœur Rose. C'est la femme de notre frère Rémi, qui avait été tamponné sur la grande route. Il y a eu un temps où il fut interné à Emeraude. Et présentement, elle est à la maison. Depuis qu'elle est à la maison, il n'y a pas de sœur qui la rende visite. Il n'y a que la sœur José qui passe de temps en temps la rendre visite. Je trouve que cette situation-là est entièrement anormale. Elle est une partie de nous. Et nous vous avons toujours enseigné que Dieu guérit par l'amour. C'est quand quelqu'un passe un temps d'épreuve qu'il a besoin de la chaleur de ses sœurs, de ses frères. Parce que si quelqu'un passe un temps d'épreuve et qu'il est abandonné à lui-même, souvent Satan vient le prêcher pour le décourager et semer en lui des pensées négatives. Mais quand un malade ou quelqu'un en difficulté est entouré, il se sent dans la chaleur de la communauté, de sa famille, et cela fortifie sa foi. Si tu n'as jamais passé par un temps d'épreuve, tu n'as jamais été malade, tu n'as jamais été hospitalisé, tu n'es jamais passé par un temps d'épreuve, de difficultés, tu ne sais pas apprécier la consolation et les visites des frères et des sœurs. C'est pourquoi ce matin, j'engage toute l'Église à vivre la communion fraternelle, à visiter les malades. Et dans nos quartiers où nous restons, nous devons nous connaître. Dans les quartiers 8e, il y a beaucoup de sœurs et beaucoup de frères, mais qui ne passent jamais rendre visite à la sœur. Cette situation-là, elle est entièrement anormal. Il y a le frère Kasongo qui s'est encore fracturé pour la deuxième fois. Sa santé évolue très bien depuis que les frères l'ont opéré. Mais il a aussi besoin d'être visité. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur, des diacres, c'est notre responsabilité à nous tous. Parce que nous sommes des frères. Apprenez à visiter le malade lorsque nous annonçons des requêtes ici. Nous ne le faisons pas pour rien. Que chacun de vous ait à cœur cela. Allez visiter la sœur Rose. Allez visiter le frère Cas. Et je pense chaque dimanche, selon le programme que nous avons ici, nous vous avons toujours annoncé les malades qui sont à la maison et ceux qui sont à l'hôpital. On ne le fait pas pour rien. Nous le faisons pour vous pousser à aller visiter les frères et les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez cela? Qui prend la résolution de visiter les malades? J'aime voir ce qui. Si toi tu n'as pas, si toi tu ne veux pas, garder ta main, pas comme ça. J'aime voir que les. Ça va. C'est comme l'ancien l'a souligné, la sœur Alphonsine. C'est vrai qu'il nous a pris beaucoup de temps. Mais c'était nécessaire. Bien, peut-être quand il parle comme ça, vous ne comprenez absolument rien. Il faut être. Il faut peut-être l'avoir vu lorsqu'il souffrait. Alors vous comprendrez pourquoi il était émotionné. Et enfin, j'annonce ici à l'Église, à la fin du culte, tous les membres de cette Église doivent rester. Il y a une petite réunion qu'on fera avec eux avant de nous séparer. Tous les membres de cette église, à la fin du culte, doivent rester pour la réunion qui sera organisée. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont connectés. La sœur Véronique qui vous a aussi salué. La sœur consolée. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Prenons notre Bible dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 25. Ézéchiel au chapitre 25. Ézéchiel sura makumi mbili na tano. Nous prendrons le verset 12. Et nous prendrons aussi Amos au chapitre 1. Amos au Amos au chapitre 1. Nous prenons le verset 8, verset 11. Vous pouvez aller jusqu'au verset 15, mais je vais m'arrêter au verset 12. Naweza kufika mstari wa 15 lakini nitasimamia kwa mstari wa 12. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. C'est avec reconnaissance. Na shukrani kabisa. Dans la profondeur de nos cœurs. Upana ya mioyo yetu. Avec tout le respect qui vous est dû. Na heshima yote ile tunapasha kwako. Avec toute la gloire qui vous est due. Na utukufu yote inakuelekea. Avec toutes les honneurs qui vous est dû. Na heshima yote inakuelekea. Nous te disons merci. Tunasema kwako asante. Nous avons beaucoup de choses à vous exposer. Tunabitu mingi ya kukujulisha. Mais nous croyons que tu es omniscient. Lakini tunaamini kwamba wewe unajua maneno yote. Avant qu'on ouvre notre bouche. Bila si tupate kufungua vinywa yetu. Toi tu connaissais déjà. Tu connaissais déjà les paroles de nos cœurs. Wewe ulijua tangulia kujua maneno ya mioyo yetu. Ce matin Seigneur. Ya asubuhi Bwana. La grande chose que nous te demandons. Kitu kikubwa na kinene tunakuomba. Fais-nous des véritables chrétiens. Utufanye si kuwa wa Kristo wa kweli. Des chrétiens d'expérience. Wa Kristo wenye kufanya onjo. Avec la nature de Christ. Na asili ya Kristo. Avec l'esprit de Christ. Na roho ya Kristo. Avec toutes les qualités de Christ. Wenye kuwa na hali yote ya Kristo. Et de cette manière. Na mwina muna. Nous donnerons gloire à ton nom. Utaleta utukufu kujina lako. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Ton peuple sont des hommes faillibles. Taifa yako ni watu wa kuwezi kuanguka. Nous habitons des corps d'humiliation. Tunaishi mumili ya kufezereshwa. Sur cette terre. Pa hii dunia. Nous sommes dans une bataille continuelle avec les démons. Kila mara tukumuvita na mademona. Mais nous comptons seulement sur ta grâce. Lakini tunatumainia tu neema yako. Nous te prions au nom de Jésus. Tunakuomba mujina la Yesu. Bénis chaque frère. Bariki kila ndugu. Bénis chaque sœur. Bariki kila dada. Bénis le projet des frères. Bariki mapu ya bandugu. Bénis le projet des sœurs. Bariki mapu ya dada. Bénis leur foyer. Bariki majama yabo. Bénis les activités. Bariki makazi yabo mikono. Bénis leur champ. Bariki shamba yabo. N'oublie jamais Seigneur. Les requêtes que ce peuple t'offre. Que leur cri te soit favorable pour la gloire de ton nom et pour notre Père. Seigneur, merci. Bénis cette église. Les frères, les sœurs qui sont continuellement connectés à cette église et qui a pris cette église comme leur propre maison. Ne les oublie pas, Seigneur. Merci, Père. Souviens-toi de l'épouse dans le monde entier. Tes serviteurs qui vont édifier les églises, les âmes, Seigneur, souviens-toi d'Israël, ton peuple. Maintenant que nous parlons de ces choses vraiment très compliquées, que toi seul, tu nous donnes l'interprétation de chaque chose dans notre vie, que cela ne soit pas reçu comme une simple histoire, parce que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Merci, Père. Du début à la fin, sois avec nous pour ce temps que tu nous as loti pour aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amos 1, nous commençons par là. Verset 11. Ainsi par l'Éternel. À cause de trois crimes d'Edom, même quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée. Non, interprète bien. Parce qu'il a poursuivi ses frères. Non, il les a tués par l'épée. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée. En étouffant sa compassion. Il a fait un effort pour étouffer sa propre compassion à l'égard de ses frères. Parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera le palais de Bostra. Quelle sentence! Quelle belle leçon que nous apprenons ici. Si dans votre cœur, les sentiments de compassion, les sentiments d'amour, les sentiments de pardon s'élèvent en vous pour un frère ou pour une sœur, écoutez cette voix-là. Ne faites pas le contraire de ce que cette voix-là vous dit. Quand Dieu te dit pardonne, pardonnez. Quand Dieu te dit oublie, quand Dieu te dit aie compassion de la sœur ou du frère, faites-le. N'écoutez pas le diable et vos propres sentiments qui vous poussent à vous venger sur les frères ou sur les sœurs. Prenons Ézéchiel 25, son verset 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda. Parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom. J'en extermine les hommes et les bêtes. Et j'en fais un désert de Téman, ce sont les terres du sud de Dom, c'est-à-dire de la Jordanie. Tandis que Dedan, c'est en Arabie Saoudite. C'est une ville qui est habitée par les Arabes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous continuons à parler des prophéties qui concernent les méchants voisins d'Israël. Et ces méchants voisins d'Israël ne sont pas autres personnes, sont ses propres frères du sang. Ils viennent de mêmes parents. Ils ont le même sang. Mais le choix de Dieu sur Israël a semé de mauvais sentiments dans leurs frères. Et cette élection de Dieu amené ses frères à l'haïr, à la mort. Kafikisha banduku yake bapate kumchukia Israeli hadi kulufu. Ils ont une haine beko na chuki moja qui va jusqu'à la mort. Iko na bafikisha hata kutafuta kumua Israeli. C'est pourquoi le Dieu juste en voyant les intentions de leur cœur, les dispositions de leur cœur, la haine et la vengeance qu'il respire contre Israël, le Dieu tout-puissant a pris la défense de sa propriété. Il a pris la défense de son héritage. Le Canaan, avant d'être le pays d'Israël, premièrement, c'est un domaine privé du Dieu Tout-Puissant. Kwanja, yo ni mali ya upeke ya Mungu wa uwezo yote. Et le Dieu Tout-Puissant, na Mungu Mwenyezi, par amour, kwa upendo, a légué son héritage akapele, aleta ile uriti yake, à la postérité d'Abraham. Na kuipatia ayo uzao ya Ibrahimu. Comme nous l'avons suffisamment souligné, Israël est une portion de Dieu. Vous ne pouvez pas agir contre Israël sans agir contre Dieu. Quand vous haïssez Israël, vous avez de la haine contre Dieu. Quand vous persécutez Israël, vous persécutez Dieu. Et Israël est un petit pays. Une petite nation qui a un petit territoire. Mais son territoire, par haine, est convoité par ses propres frères qui ne jurent qu'à sa disparition. Et le Dieu juste qui entend ce que ses frères disent, les complots qu'ils font contre Israël, a pris sa défense. Vendredi, nous avons parlé d'Edom, Esaü. Qui est Esaü? Esaü, les enfants d'Esaü, sont des voisins directs d'Israël, qui restent dans le territoire de la Jordanie actuelle. Ces hommes ont reçu un mauvais enseignement de leur père, Esaü. Depuis le ventre de leur mère, Esaü et Jacob qui est devenu Israël. Depuis le ventre de leur mère, Dieu avait dit à Rebecca que vous avez des nations. Mungu alionyeshaka Rebecca kusema uko na mainchi mbili. Et dans le vent de la main de leur mère, mtumbo wa mama yabo, la guerre était déjà engagée avant qu'ils ne viennent sur la terre. Ilianzia hapo mtumbo tu wa mama yabo mbele hata bazali kwa kuko pa dunia. Ils sont venus sur la terre. Wakakuwa mdunia. Esaü était un profane. Esaü alikuwa mtu mjinga. Bien qu'il avait le droit de naître, il ne comprenait pas les choses de Dieu. Il n'était pas attaché à la parole de Dieu et à Dieu. Il n'était pas attaché à la promesse de Dieu. Même le droit de naissance que Dieu lui avait donné, Esaïe le méprisa et vendu cela à son frère. Son frère n'était pas né avec le droit de naissance. Mais il était d'une. Il aimait le Seigneur. Il aimait ce droit de naissance. Il a tout vendu, même sa propre vie, pour avoir le droit de naissance. Jacob comprenait l'importance du droit de naissance. Il comprenait l'importance de Dieu dans sa vie. Il comprenait, il avait la révélation de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui ne comprennent jamais l'importance de Dieu dans leur propre vie. Il y a des frères et des sœurs qui méprisent Dieu, qui méprisent la parole dans leur propre vie. Dans leur orgueil, ils pensent qu'ils sont des petits dieux. Peut-être parce qu'ils sont en bonne santé, parce qu'ils sont forts, ils ont un peu d'argent, ils pensent qu'ils se suffisent. Et ils oublient que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Mais ils ne voient aucune importance de Dieu dans leur vie. Esaïe le profane qui vendit son droit de naissance volontairement à son frère, en voyant que son frère était véritablement béni, il est pris en aversion. Voyez frère, voyez sœur. Esaïe de son vivant, il jure et il dit, pendant les jours de la mort de mon père, moi je vais tuer Jacob parce qu'il a volé ma bénédiction. Nous avons dit que c'est faux, Jacob n'a jamais volé sa bénédiction. Jacob avait exposé sa vie. Il avait vendu sa vie pour recevoir la bénédiction du droit de naissance. L'autre avait méprisé son droit de naissance. Il avait vendu à un plat d'haricot. Je sais pourquoi le Saint-Esprit insiste là-dessus. Il y a des frères ici et des sœurs qui ne se soucient jamais du Saint-Esprit. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont aucun souci de comprendre l'essence de toute la parole qui leur est apportée ici. Ils se réjouissent d'être membres du Kambovu Tabernacle. Cela est faux. C'est le comportement d'Esaü. Esaü se préoccupait plus de la chair. Il allait en brousse, il mangeait, il chassait du gibier, il venait donner à son père l'aimait. Je vous dis ceci clairement, au nom du Seigneur. Ne sois pas seulement un bienfaiteur dans l'église. Ne sois pas seulement un payeur de dîmes dans l'église. Ne sois pas seulement un donneur de dons dans l'église. Appréciez le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui est ton droit de naissance, qui est la porte aux véritables bénédictions. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit doit être la chose la plus importante dans la vie de chacun de nous. Vous n'avez pas le droit de vous reposer avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens sans Saint-Esprit, ils négligent la prière, ils négligent la parole, ils ne viennent que dimanche. Voyez, pour eux, la fraternité. Non, frère. Non, sœur. Nous n'allons pas combattre pour les choses matérielles. Nous avons cru pour les choses éternelles. Nous recevons les choses éternelles par le droit d'un être qui est le baptême du Saint-Esprit pour espérer aller dans l'enlèvement. Ce n'est pas les dons que vous donnez, ce n'est pas les dîmes, ce n'est pas la fraternité, c'est pas le Saint-Esprit que vous serez enlevé. Que vous serez en os, que vous serez dans le millénium, que vous serez dans l'éternité. Commencez par là. La chose la plus importante. Ayez le Saint-Esprit. Ne négligez pas cela. Les biens matériels, l'argent viendra ensuite. Dieu en a promis à ses élus. Israël à Dieu et Israël à l'argent. Il est béni matériellement, financièrement. Ayez les deux. Les aïeux veulent l'argent, veulent la bénédiction matérielle, mais ils ne veulent pas Dieu dans leur cœur. C'est ça la raison fondamentale. Quand on arrive au point de l'adoration, ils abandonnent les dieux d'Israël, ils vont adorer les dieux des nations. Ils deviennent idolâtres. Ils n'ont pas le droit d'aînesse. Ce sont des insensés. Oui, bien-aimé frère, ne soyons pas insensés. Et quand Esaïe conçut cette haine-là contre son frère Israël qui est Jacob, comme nous l'avons vu vendredi, Esaïe a enseigné, a semé sa haine dans ses enfants, dans ses petits-enfants, dans ses arrières. Petit enfant. Et cet homme-là contre Jacob est allé de père en fils, de fils en petit-fils, jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons averti l'Église. Dans nos maisons, nous devons savoir ce que nous disons et nous enseignons à nos enfants. Vendredi, le Saint-Esprit nous a dit ceci. Vous les sœurs et vous les frères, quand vous êtes avec vos enfants, ne parlez pas mal contre les pasteurs, ne parlez pas mal contre les anciens, ne parlez pas mal contre les diacres, ne parlez pas mal contre les officiants, ne parlez pas mal contre les frères et les sœurs dans l'église. Quand vous parlez mal contre les hommes de Dieu et contre l'église, vous semez de la haine dans les cœurs de vos enfants. C'est la raison fondamentale pour laquelle vos enfants se révoltent contre les hommes de Dieu et contre la parole qui est prêchée ici. Ça semble être léger, mais c'est très profond. La plupart des frères, des enfants des frères, des filles et des garçons, les autres quittent le message, c'est parce que leurs parents leur disent que leur mère, Miko Mouikani Satou, Nijou Yababayenu, Mi Mouenyewe, Mi Nijou Akatala Makelele, Jopale Tunenda Kanaï. Les enfants écoutent ça. Le papa s'assoit là avec sa femme. Il parle mal contre les hommes de Dieu. Il parle mal contre les frères. Il critique les frères. Même si un frère t'a offensé ou une sœur t'a offensé, Ce n'est pas une parole de l'évangile que tu dois annoncer à ta famille. Wakati ukona sema bibaya ya ba frère na ba sœur. Una sema bibaya ya ba ubiri ya pastori. Ni nini ukona panda maro ya batoto yako. Et tu viendras voir les anciens pour qu'ils prient pour toi. C'est pourquoi la prière des anciens, la prière du pasteur, la prière des diacres n'est pas exaucée sur plusieurs personnes à cause de leur disposition mauvaise de cœur. Vous voyez bien, mes frères, vous critiquez cette église avec les gens de l'extérieur. Ces gens-là, comment peuvent-ils venir? Oui, nous considérer comme membres de cette église. À la longueur de la journée, tu ne fais que parler en mal contre le pasteur, contre les diacres, contre les frères de cette église. Dans ton cœur là, tu ne vois rien de bon dans les frères. Tu ne vois rien de bon dans les sœurs. Quand une sœur, un frère, fait une petite erreur, toi ça devient de l'évangile. Tu t'assois autour des païens, tu méprises les frères, tu méprises l'église. Non, frère. Ça c'est l'esprit d'Ésaü. Ça ne doit pas être comme ça. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs, on doit arrêter cela. On doit arrêter cela. Si nous aimons cette église, nous aimons nos bergers, nous aimons nos conducteurs, nous devons toujours parler en bien pour eux. Nous devons couvrir les erreurs humaines qu'ils commettent. Il n'y a aucun homme parfait. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes. Vous n'êtes pas dans une église des anges. Vous êtes dans une église des hommes. Nous sommes tous des pécheurs qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Comme toi tu as besoin d'être pardonné, moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Nous tous nous avons besoin de ce pardon. Vous voyez bien mes frères et sœurs, quand vous aimez les hommes de Dieu, vous aimez cette église, vous parlerez toujours en bien pour cette église, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, bien-aimés frères. Mais ce n'est pas ce qu'Ésaü a fait. Il y a des Ésaü ici. Ils prennent les histoires de cette église ici. Ils les mettent même dans leur famille biologique. Comment un chrétien, comment une chrétienne peut aller accuser son frère dans le sang de Christ, sa soeur dans le sang de Christ, à ses parents, à sa famille biologique, s'il n'a pas de mauvais esprit? Non, frère. Non, ma soeur. On doit arrêter cela. Ce que vous semez, vous le récolterez. Vous voyez, frère. Vous voyez, soeur. Je vous dis au nom du Seigneur, nous devons beaucoup veiller et éloigner de nos cœurs tous ces mauvais esprits, peu importe ce qui arrive dans notre vie, peu importe que les hommes, peu importe la méchanceté des gens, peu importe la réaction des gens à notre égard, nous-mêmes en tant que chrétiens, notre cœur, en tant que trône dans lequel Dieu doit habiter, on doit y chasser tous ces mauvais esprits. Quels sont ces mauvais esprits? Regardez, j'en ai pris quelques notes. Évitez, notez cela. Ça va résumer le comportement de tous les voisins d'Israël. Ce qui a mené ce qui a mené tous les voisins d'Israël, les frères d'Israël, à l'haïr, à vouloir l'exterminer, se trouve dans ce point-ci. Un, la déception. La déception. Voyez bien, mes frères. La déception. Regardez Esaü. Il s'attendait à la bénédiction avant la mort de son papa. Mais quand l'état est arrivé, Jacob a pris la bénédiction. Lui n'a rien reçu. Il était déçu. Et vous verrez même dans le comportement d'Esaü, il changea même de comportement à l'égard de son papa. Il ne pouvait plus l'écouter. Évitez dans votre vie la déception. Tu ne peux recevoir de Dieu que ce que le Seigneur avait prévu pour vous. Autapataka kintu maisha yako kile Mungu wa mbingu akukwandikie. Dans ton cœur, où il y a un où les frères, où les frères, où les mais comment les frères, à Chico, il ne faut pas être déçu. Si dans votre cœur, où il y a un mita où les frères, où les sœurs, mais où les sœurs, où les sœurs, où les sœurs, ne soyez pas animés par la déception. Il faut que vous où les mouanamouke, moi, comme on a que vous avez pas vu comme étant mon épouse. Dieu ne t'a pas donné un véhicule. À part n'a qu'à déçu parce que tu vois un frère. Il est où on a semé le waboule boule à Naouza Motoka. D'une vie basse, mais il sait payer une voiture. Alors ton cœur est déçu. Naou le serre n'a pas été épousé. Il vous a dit, je n'ai pas été épousé. La déception vient du diable. Soyez content, soyez contente de ce que tu es, de ce que tu reçois de la part du Seigneur. Ce que tu es là, c'est ce qui fait la joie de Dieu. Mais jugez-vous de ce que vous êtes. C'est tout, frère. Ne soyez pas déçus. Non, le frère, il y a une nyumba. Le frère là construit une maison. Si toi, même si toi tu es dans une payote, aïna mambo. Aïna mambo, ce n'est pas un problème. Comment on a frayiwa? Moui le bénisha ou le frère, ya ou le soeur. La pureté de votre cœur vous amènera la bénédiction. Mais la déception va éloigner de toi toute bénédiction. Je n'ai pas le temps d'exploiter ça, sinon ça va me dérouter. Il y a la déception. Deux, il y a la jalousie. Trois, il y a la colère accompagnée de la fureur. C'est vrai, frère. Quatre, il y a l'amertume. Toutes ces choses ici peuvent faire l'objet de chaque terme ici, chaque sentiment, chaque esprit ici peut faire l'objet d'une prédication. Mais je n'ai pas le temps de le faire. L'amertume dans votre cœur, à l'égard d'un frère, à l'égard d'un frère, d'une soeur, à l'égard d'un homme de Dieu, à l'égard de quelqu'un qui est béni. Non, frère, l'amertume. Ne gardez jamais cela dans votre cœur. La méchanceté. Voyez bien mes frères. La méchanceté. Éloignez de votre cœur toute forme de méchanceté. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Vous avez une femme. Vous n'êtes pas satisfait de cette femme-là. Vous voulez divorcer avec elle. Dieu méchant. Non, je vais punir cette femme ici. Je vais épouser une autre femme. Pour qu'elle comprenne. Tu es méchant. Vous récolterez ce que vous aimez. La méchanceté des frères d'Israël, vous voyez, les a conduits et les conduira à la destruction. Ça mène sur la colère de Dieu. La méchanceté. Ne soyez pas méchants à l'égard des frères. Ne soyez pas méchants à l'égard des hommes. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. La haine. Une très mauvaise chose. Vous voyez bien mes frères. La sixième chose, la haine. N'haïssez personne. Même si lui était méchant, ne l'haïssez pas dans votre cœur. Dans le cœur d'un homme sauvé, il n'y a pas de place de la haine. Dans un cœur où Christ habite, il n'y a pas de place de la haine. Voyez bien mes frères. Les divorces, c'est le fruit de la haine. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. L'animosité. Non. Ce sont les dispositions des sentiments malveillants. Les sentiments malveillants qui vous poussent à nuire à quelqu'un. Ou à ses biens, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à son mari. Vous avez des sentiments malveillants qui vous amènent à nuire à votre frère, à votre soeur. Ce sont les sentiments des frères de Jacob. Huitièmement, le mépris. Quand on a de la haine, on méprise, on n'apprécie pas les gens. On les méprise. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Vous les considérez comme les vauriens. Des gens sans importance. C'est le sentiment qui s'est élevé dans les frères de Jacob. Par mépris, ils croient dans leur cœur qu'Israël ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Il ne mérite pas la terre. Voyez bien mes frères. Il veut toujours lui faire du mal. Il veut toujours lui causer du tort. Il le méprise. Voyez bien mes frères. Éloignons de notre cœur cette vie de mépris. Il y a la convoitise. Ne convoitez pas ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Contentez-vous de ce que tu as. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Il y a l'outrage. Vous insultez les gens. Vous les injuriez. Parce que vous les voyez comme des gens sans importance. Il y a l'orgueil. Ce sont des mauvais esprits qui ont amené les frères d'Israël à l'haïr, à parler avec arrogance. L'orgueil marche ensemble avec l'arrogance. Voyez bien mes frères, quand on est arrogant, on est orgueilleux, on convoite, on méprise. Voyez, on entretient les sentiments d'animosité, mais la méchanceté dans le cœur, la haine et habite votre cœur. Vous avez l'esprit de la vengeance. L'esprit de la vengeance n'est pas bon. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs. Ne soyez pas animés de cet esprit-là. Voyez bien mes frères. Parce qu'il a fait, parce qu'il a dit, parce qu'il a... Non, parce qu'il a... Il m'a ravi ça. Non, frère. Non, ma soeur. L'esprit de la vengeance amène les gens au meurtre. Meurtre, vouloir la disparition de quelqu'un d'autre. Voyez bien mes frères. Anipote Kumaracho, Michipien de Tena. Je ne veux plus le voir. Tu n'aimes pas ton frère parce qu'il est béni. Tu n'aimes pas ta soeur parce qu'elle est bénie. Si ou les dada koufoué, ou le frère Agnew ou Atami, tu es méchante. Si Moukoubo koufoué, Nami Nipiane Bintouyak, que je puisse prendre ces histoires. C'est une méchanceté. Nous le voyons même dans nos familles biologiques. J'ai parlé avec un frère. Et il était très malade. C'est un frère qui a beaucoup de biens. Il a beaucoup d'argent. Des fois, il fait Dubaï, il fait la Chine. Et il a ses magasins. À un certain moment, il est tombé malade. Pendant qu'il était dans cet état de faiblesse. Mais il avait la conscience. Il fallait le faire soigner. Et la famille biologique est venue là. Et il écoutait. Au lieu de le dire même loin, il disait, mais ne le faites pas soigner. Il va bientôt mourir. Vous allez seulement dépenser cet argent pour rien. S'il mourait, on va se partager cet argent. Et lui, s'il est de malade, bien qu'il était incapable de parler, mais il écoutait. Mais Dieu n'avait pas fait réussir leur plan. Le frère s'est relevé. Il dit, ah, c'est comme ça que ma famille pense. Il y a des choses méchantes qui cachent le cœur des gens. Comment un tel homme peut être béni? Ata mukuboya komonya na kufwa anakuacha mari. Auna na akiri ya mukuboya ko ile mari au tena nayo nini pa? Oui, bien mes frères. Oh, c'est mec qui a koufoué. Alors, tu t'en yanganya bitu. Ata, c'est mec qui a koufoué. Ah, ou t'as gagné kintu. Ata, on a bébé le mal, on a koupachia. Ou t'es hiponda. Dans quelques jours, on a bébé machikini. Quelques jours après, tu demeures pauvre. Il a bénédiction à Ina Yako. Ou t'as koufoué, t'as koufoué la bénédiction Yake. Il va mourir avec sa bénédiction. Voyez bien mes frères. C'était la méchanceté. Le meurtre. Vouloir la disparition de quelqu'un. Pour qu'on occupe sa place, qu'on prenne ses biens. C'est ça les caractéristiques qui occupent le cœur des frères voisins d'Israël. Frères, toutes ces choses ici que je viens d'énumérer, ça s'appelle des crimes. Vous voyez bien mes frères. C'est pourquoi. Dans Romains au chapitre 12, j'aime beaucoup cette écriture. Dans Romains au chapitre 12, dans son verset 17 jusqu'au verset 21, l'écriture dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Les membres de ta famille. Ta propre famille, tes amis, tes voisins, tes collègues de service, les frères dans l'église, ou kouye ou ta foute salama, na bantu bote, balevari umboa, mumbo ya mungu. Voyez bien mes frères. Ata bobana kutenda kibaya. Akuna kuibalurishia kibaya. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Faites toujours du bien à tout le monde. C'est vrai, frère. Ne vous vengez point vous-même. Bien aimé. Mais laissez agir. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous savez, frère, Israël, c'est lui qui distribue l'eau à ses voisins. Moui le contrée yote, moutoni mounene, c'est le Jourdain. Nabari mounene, comme moule, ikonama potable, c'est la mer de Galilée. Et c'est Israël. Ils vivent aux dépens d'Israël. Israël fait du bien. Mais il veut sa disparition. Voyez bien, mes frères. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, j'amasserai des charbons ardents sur sa tête. Écoutez le verset 21. J'aime ça. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Oui, bien aimé frère. Oui, Nabibaya, Kupiti Yamaten Donsuri. Surmonte le mal en faisant le bien. Faites du bien à tout le monde. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Edom, c'est laisser vaincre par le mal. Même quand la compassion, voyez l'écriture que nous avons lue là. Quand la compassion est venue dans son cœur pour Israël, lui a rejeté la compassion, mais il a remplacé la compassion par la vengeance, par la haine, par le maître, par la convoitise. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Commençons dans le verset 31-32. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, ce sont des querelles. Vous voyez, toute clameur. Kupenda mafujo. Kupenda kokotana na bantu bengine. Kama unaona aseme, hii mambo yote mufikisha kokotana, uibiache. Toka pale. Un chrétien est un homme de paix. Vous voyez bien, mes frères. Toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné en Christ. Si Christ ne nous avait pas pardonné, personne ne serait sauvé. Frère, nous avons commis des crimes. C'est pourquoi quelqu'un qui n'aime pas la paix, quelqu'un qui n'aime pas la réconciliation, quelqu'un qui n'aime pas le pardon, c'est vraiment un enfant du diable. C'est un enfant du serpent. C'est un enfant d'Ésaü. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Il n'aime pas la réconciliation. Voyez. Il entretient l'animosité. Il entretient la haine. Il médite la vengeance. Il est envieux. Il est furieux contre son frère, contre sa sœur. Il est méchant. Il a de l'amertume dans son cœur. Pourquoi l'autre a eu ça? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Il est arrogant. Vous voyez, il est arrogant et orgueilleux. Il se prend être intelligent. très important. Il s'élève aux yeux des autres. Les autres ne sont rien. Non, frère. Non, ma soeur. On doit arrêter cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Nous devons éloigner. Dans tous les caractéristiques que vous verrez, nous diote tout à semer. Yolou yaba voisin. Bandoukou. Bandoukou ba voisin. Bandoukou yabo ya Israël. Il est bien tout biote tout à énumérer Léo. Il est en baïko Kishina. Yakumuchuki à Israël. La haine contre Israël. Pourquoi? À cause de Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Si nous voulons du bien aux autres, Dieu nous fera du bien. L'église est avec moi. Wanze kutende abantu bengine bizuri. Na Mungu atakutende bizuri. Wanze kukabula. Pale uko na kabula. Mungu atendela kukabula. Tu kuendele kukabula bantu bengine. Je l'ai toujours dit. Un chrétien est semblable à une rivière. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est là, qui est la source. Il va déverser dans la mer tout ce qu'il reçoit. Il ne dit pas non. Quand il a déversé ma yangu, mumi mabari ingine, mumi toni ingine, mumi takauka. La rivière n'est pas jalouse. Elle a la joie de distribuer son eau qui vient de la source avec les autres. La rivière se soucie des autres. La rivière se souci de la mer. La rivière ne veut pas que la mer tarisse. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Quand tu as ces soucis-là et tu es disposé à servir les autres, Dieu te donnera toujours quelque chose pour servir les autres. Pourquoi? Tu es un don de Dieu dans son église. Vous voyez bien mes frères. Tu es un don de Dieu dans sa famille. Il faut que tu aies toujours quelque chose pour que son peuple, pour que vos frères se réjouissent. Et Dieu est content de cela. Et quand vous servez les autres, Dieu aussi vous donne la possibilité d'en jouir de cette bénédiction. C'est en bénissant les autres que vous aussi vous participez à la bénédiction. Et Dieu aussi est content de cela. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Nous devons apprendre à être pacifiques. Nous devons être pacifiques. Les gens qui aiment la paix et les gens qui donnent la paix aux autres. Nous devons être des gens qui aiment voir les autres dans la joie. Voir les autres être consolés. C'est ce qui doit amener un chrétien à être au service des autres. Nous sommes un corps. Nous avons plusieurs membres. Il n'y a aucun membre au corps qui se sert lui-même. Non, chaque membre sert les autres. Voyez bien mes frères, s'il y a une plaie ici sur mon doigt ici ne peut pas se guérir, ne peut pas céder. Il aura besoin soit de l'autre doigt ou de ce doigt ici ou d'autres mains. Voyez bien mes frères, les membres qui sont au corps ne se servent pas, mais ils servent les autres. Voyez bien mes frères. Alors pourquoi on doit haïr un membre du corps? Comment on peut haïr un frère? Non, bien mes frères. Non, bien mes soeurs. C'est ça le grand péché. C'est ça le plus grand péché de tous les frères du sang d'Israël. À cause de leur méchanceté, de leur haine, de leur convoitise, de leur animosité, de leur orgueil, de leur arrogance envers Israël, Dieu aussi a résolu de les détruire. Oui, bien aimé frère, quand vous méditez le mal contre les frères, ce mal-là va vous retourner. Quand vous méditez du mal contre les sœurs, ce mal-là va vous retourner. Quand vous méditez du mal contre cette église, ce mal-là va vous retourner. Oui, bien aimés frères et sœurs, nous devons garder la position que Dieu nous donne en toutes choses. C'est vrai, frère. Éloignons de notre cœur ce mauvais esprit qui habite les frères de Jacob et qui ne jure qu'à sa disparition. Nous devons aimer voir nos frères. Nous devons aimer voir nos sœurs. Les voir dans la joie, dans la bénédiction. Ça fait une communion. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. C'est vrai. C'est ce que nous devons être. Si vous êtes habité par ces mauvais esprits, vous méprisez les frères. Vous les outragez. Vous êtes arrogants. Vous êtes méchants. Vous êtes furieux contre les frères. Tu es jaloux. Tu dois prier que Dieu t'aide. Sinon, vous ne recevrez pas la bénédiction divine. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que tout celui qui a ces mauvais esprits, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit délivré. Nous ne voulons pas de l'esprit d'Ésaü dans cette église. Que chacun de nous dise que l'esprit d'Ésaü quitte mon cœur. Lève-nous pour la prière. Nous continuerons. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Je n'ai pas avancé. Voyez bien mes frères. On chante ça. On va continuer. Nous sommes chez nous. C'est vrai, frère. La déception. Ne soyez jamais déçus. Qui la frère, qui la sœur. Chaque frère, chaque sœur. Et qu'on a wakati yake akubariki wana Mungu. Son temps pour être favorable pour être. Attendez dans la foi, dans la confiance envers Dieu, la bénédiction de l'Éternel. tous ensemble. Prions-nous tous ensemble. Que chacun prie. Qu'il demande le secours de Dieu. N'ayez jamais la haine. Éloignez votre cœur orgueil. Éloignez votre cœur d'animosité. Que la méchanceté s'éloigne de toi. Que la déception s'éloigne de votre cœur. Que la jalousie et la colère, l'amertume s'éloigne de votre cœur. Quel outrage! L'arrogance, la vengeance, le meurtre ne soit pas l'objet de votre vie. Nous te rendons grâce, Dieu du ciel. Nous disons infiniment merci pour les paroles que nous avons écoutées. Toutes ces paroles que tu nous adresses. Lorsque tu nous parles d'Israël, ce sont des choses qui nous concernent. Lorsque tu nous dis comment ils sont nés et ce qui leur est arrivé, et voyant la façon dont nous vivons, nous te demandons de nous aider. Ces choses qui ont poussé les gens comme Esaïe, que Dieu puisse les haïr. Ce sont des mauvaises choses qui sont montées dans leur cœur pour haïr leurs frères. Et tu nous dis tes paroles, c'est parce qu'au milieu de nous, que nous ne puissions pas être les gens aînés, que nous ne puissions pas être les gens aînés, les gens qui pensent à mal, les gens qui ont des projets, c'est moi qui ne sont pas corrects. Parce que derrière chaque mauvais esprit, il y a toujours la malédiction. Et toi, Dieu, tu nous as dit comme ça. C'est pour nous épargner à la malédiction. Aide-nous, Boine, comme des humains. Tu n'as pas mentionné toutes ces choses pour rien au lieu de nous. Si tu les as mentionnées, c'est parce que tu as vu cette vie au milieu de nous. Tu as vu en nous la haine. Parmi nous, il y a des mauvais pensées. Nous parlons en mal. Il n'y a pas l'amour devant nos frères prospérés. Et tu as vu cet esprit au milieu de nous. Comme tes enfants, après avoir entendu cette parole, nous te demandons de nous pardonner. Et pitié de nous, moi, à partir d'aujourd'hui. Nous aimons toujours des bonnes choses parce que si nous parlons de bon Dieu, tu seras de notre part. Merci pour toutes tes paroles. Bénis ton serviteur. Bénis chaque frère, chaque soeur qui vient d'écouter ces paroles. Nous l'ont quitté dans cette partie. Ces paroles puissent rester en toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen.